Salut à tous et à toutes, vous écoutez bien le 89.5 FM, c'est Radio Dio, et c'est pendant une heure, joie, rage et courage. Joie, rage et courage, c'est une petite émission mensuelle, tous les derniers lundis du mois, de 13h à 14h. Chaque fois, on vous emmène sur un thème pour y décortiquer des luttes et puis botter le cul à la résignation. Ce mois-ci, c'est le deuxième volet du triptyque sur l'agro-industrie, après avoir décrit un peu l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture. Le mois dernier, aujourd'hui, on va revenir sur l'organisation des filières et l'organisation de l'industrialisation par filière, et puis la question des normes comme outil de contrôle et d'industrialisation de la paysannerie. Alors on va commencer cette émission par parler d'un bouquin. Ce bouquin, ça a été un peu le point de départ de cette idée de faire un cycle sur l'industrialisation de l'agriculture. Ce livre, c'est « Quel pain voulons-nous ?» de Marie Astier. Marie Astier, c'est une journaliste qui a bossé à Reporter. C'est un site internet plutôt porté sur l'environnement et le monde agricole et l'écologie. Marie Astier, en fait, du coup, elle est partie d'un produit commun qui est le pain, et elle a décrit, en fait, son bouquin, il décrit clairement le fonctionnement de cette filière. Elle le décrit tout de A à Z, de comment le métier, le produit évolue, change, comment, par qui il est changé et pour qui il est, à qui il est destiné. Pour qui, en fait, on voit très bien dans son livre comment des grandes entreprises ont squatté, ont pris en main la filière de A à Z, que ce soit par le contrôle des terres, des meuneries, du produit fini de la farine, jusqu'à en mélanger, et puis après au contrôle des points de vente. Et comment, en fait, ce système a dépossédé, les paysans de leur production, du rapport avec le céréal, la terre. Comment ça a détruit le métier et de la boulangerie et toute sa poésie. Comment, le pain est devenu, en fait, un outil une des filières et un objet capitaliste. Comment ce bien qui est sur toutes nos tables, il est contrôlé et comment, en fait, chaque niveau de sa production, que ce soit du paysan qui plante ses céréales, du choix des semences, des céréales, des traitements des céréales, des traitements des terres, des choix des terres, de la transformation, de comment il est transformé, des adjuvants, des additifs mis dans les farines, de la formation des paysans, mais aussi la formation des boulangers, l'installation des boulangers, l'emprise aussi des emprunts, des machines, comment les machines influent sur la farine, donc les additifs. Et en fait, de A à Z, elle décrypte comment chaque niveau est complètement aliéné et dépossédé de ce qu'il produit et pourquoi et pour qui il le produit. Et du coup, ça pose aussi la question Alors c'est une critique qu'on peut faire du livre, du livre donc, qui s'appelle Quel pain voulons-nous? C'est qui le nous? Et du rapport du coup forcément marchand et consommateur, ou certains diraient consommateur. C'est un parti pris de l'auteur qui du coup comment on arrive à nous les personnes qui mangeons du pain à avoir une marge de manœuvre ou pas sur cette filière. Voilà, c'est un livre qui est assez facile à lire et tout ça, et qui en fait décrypte parfaitement l'industrialisation et le fonctionnement des filières agricoles. Et en fait, du coup, suite à cette lecture, à une discussion qui a eu lieu lors de la fête des semences paysannes du côté de Montbrison, l'idée a été de fouiller un peu ce sujet et d'aller un peu sur ce terrain pour étudier le fonctionnement agricole. On va passer un petit morceau et après, ou alors non, on va directement passer un extrait d'un paysan qui s'appelle Yannick Ogor raconte la position de la lutte dans lui son métier de paysan. Alors hop. Nous, ce qu'on avait besoin pour réinstaller du conflit sur le terrain agricole, c'est de regarder comment ça se fabrique, quoi, qu'il y a encore des gens derrière cette machine infernale de dépossession, et qu'il y a notamment un État, qu'il y a aussi des luttes sociales, il y a des syndicats qui sont pas rien dans la question agricole, et de regarder comment tout ça interagit, notamment pour moi ce qui était central, c'est comment l'État au niveau agricole depuis 60 ans fabrique le consentement des agriculteurs à leur propre dépossession, à leur propre élimination, et que si on comprend pas ça, en fait on est sûr de reproduire éternellement ce consentement aveugle pour certains et très conscient pour d'autres, mais notamment attaquer la question de l'écologie, pour moi aujourd'hui, c'est autant à attaquer ce qu'on appelle le capitalisme vert, la manière dont les industriels se nourrissent en fait de la contestation écologique pour relooker leur image, mais aussi comment l'écologie est aujourd'hui l'endroit même de la fabrication du consentement, de la cogestion, qu'on appelle ça en agriculture. C'est-à-dire que la gauche paysanne s'est embarquée dans cette question écologique il y a 20 ans, 20-30 ans, en étant persuadée que l'écologie serait la barrière à la prolifération du modèle industriel. De fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les normes sanitaires et environnementales censées incarner cette écologie politique, mise en place par l'État, à la fois organise la concentration des productions, des rentes de situation auprès des empires agroalimentaires, élimine sous la contrainte réglementaire les plus petits qui veulent pas se mettre au pas, et dans le même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, ces politiques-là arrivent à être légitimées par l'ensemble de la gauche paysanne, les bio, la confédération paysanne, enfin c'est tout cette engeance de gauche est persuadée en militant pour toujours plus de normes, pour toujours plus de traçabilité, d'abonder dans le bon sens de la défense de la petite paysannerie, alors même que l'évidence crève les yeux, que c'est en train d'écraser la petite paysannerie et de concentrer la production. Et ça, c'est si on regarde comme le fait la conf aujourd'hui simplement le développement des fermes-usines, comme ils l'appellent, genre la ferme des 1000 vaches, on ne voit qu'un bout de l'histoire. On voit pas comment tout ça se fabrique, comment en fait il n'y a pas que 2-3 fermes-usines en France, comment toutes les fermes sont devenues des usines, et même les plus petites, quoi, même les nôtres, sur 2 hectares. Aujourd'hui, la bio partout est... et fabrique un modèle industriel, et en plus, nous qui croyons être dans des petites niches de vente directe, le dernier résistant à l'histoire, en fait on résiste à rien, parce que par exemple en 20 ans sur le marché des légumes, Non seulement la part des petites productions n'a pas augmenté, mais on a laissé la place à tous les grands groupes industriels, ce qui fait que la CICAT Saint-Paul-de-Léon, donc par essence même le modèle industriel capitaliste en Bretagne sur les légumes, est devenu le leader français de vente de légumes bio sur le marché. Et que depuis 20 ans, il n'y a aucune contestation, aucune tentative d'affaiblir ce compresseur. Et voilà, donc qui est cette personne qui parle comme ça et qui ouvre plein de portes de discussion et de réflexion sur les luttes contre l'industrialisation agricole? Et bien cette personne, c'est Yannick Ogor. Yannick Ogor, c'est un paysan de Bretagne. C'est un gars qui a écrit un livre, Paysan Impossible, qui est sorti récemment et du coup qui fait un peu le tour des différentes missions, différentes discussions pour présenter son livre et un peu lui le paysage qu'il décrit et des perspectives qu'il dessine. Alors un peu lui son histoire, c'est un mec qui a bossé pour Rhône Poulenc dans en gros dans l'industrie, enfin le du coup son métier c'était un peu faire des bosser dans la certification quoi, c'est les produits aux normes, les trucs aussi l'industrie chimique etc. Et après lui son parcours il a bossé pour la Confédération paysanne donc le syndicat agricole dit enfin de gauche le versant minoritaire mais de gauche de dans le paysage syndicaliste agricole il est parti de ça un peu d'écouter du syndicat un peu d'écouter et du coup dans ce discours il enfonce plusieurs portes et plusieurs pistes de réflexion qu'on va développer du coup pendant 7h jusqu'à 14h sur le 89.5 qui sont en fait la question des normes. Comment les normes sont aujourd'hui des outils pour éliminer les petites exploitations agricoles comment en fait l'agro-industrie utilise aussi des volets du coup avec l'aide le consentement d'une certaine manière des organismes co-gestionnaires dont les syndicats agricoles comment ils organisent une espèce de greenwashing du capitalisme vert qui en fait n'est rien d'autre que une mise au pas et un contrôle de l'État et du capital sur le métier de paysan mais aussi du coup sur toutes les campagnes. Ce que je propose c'est qu'on va passer un petit morceau de Blitz The Ambassador mais pas que avec c'est un featuring avec Kezia Jones et tout ça après on va faire point par point les différents pistes de réflexion que Yannick Ogor et d'autres soulèvent. Hop, c'est parti pour Blitz The Ambassador. Now, so be boys, get your back off the wall and swing like Floyd Mayweather at the Garden. Next chain to watch every I flex, challenge is ready. And yes, my ghetto people wanna get involved. What you doing for? Who you defend? Sean. Wahala be that cool. Wahala be that cool. Wahala be that cool. Wahala be that cool. Wahala be that cool. Yes, I'm rolling in, cause we ain't got nothing to lose, all the win. Tired of things moving slow like I'm cold again. So freedom fighters, get your backs up off the wall. When you hear the call, a promo and the ambassador. What you waiting for? Get involved. Problema, siempre la mira, siempre una violencia pasiva la que respira. Siempre de arriba, ¿qué? Dicen que no pa' que no viene, solo te oprime al cien cega. Llevo un quilombo en el pecho para la dicha de la historia. Memoria, incómodo en cada gloria. En esta junta incendiando el intelecto. Bailando diásporas, pinta mi dialecto. Te digo que jamás la otra mejilla y mucho menos me levanto del asiento. No, soy la palestra, la zurda sin la diestra. Encima este marrón que se fugó de la siniestra. Digo Wahala, y nombre del sistema va esta para acá. Es esta boca colorida que no para ya. Y nombre del sistema va esta para acá. Blitz the Ambassador. Et voilà, nous de retour sur Joie et Courage avec du coup ce sujet de l'agro-industrie. Et on va écouter du coup durant cette émission plusieurs extraits d'interviews ou d'interventions que Kenny Cougar et d'autres ont fait sur des radios locales ou lors de discussions en public. Et on va commencer du coup par un des points importants de son développement, c'est la question des normes et l'impact que ça a sur le monde agricole. Il faut dire que le monde agricole, si on reprend un peu l'histoire et l'évolution du monde agricole, c'est il y a des gens qui parlent d'ethnocide, c'est-à-dire que c'est une destruction complète d'une catégorie de la population. C'est 90%, je crois, en quelques dizaines d'années, 90% de paysans en moins. Et du coup, il faut imaginer aussi tout l'impact que ça a sur les territoires, ces territoires où ils habitent, et sur le paysage agricole, et aussi du coup tout ce qui est production en fait. Toute la transformation, et voilà. On va écouter directement Yannick Ogor, et ce sera plus simple et plus clair. C'est parti. Ça, c'est un extrait d'interview qu'il a fait sur une radio toulousaine. Voilà, Canal Sud, il me semble. pourquoi, comment est-ce qu'on en arrive là à partir de la pratique à dire que les normes sanitaires ne protègent pas la santé publique ? Il y a deux aspects à ça, c'est que ceux qui ont constitué, dont je suis ce collectif-là, ont leur propre expérience individuelle du rapport aux normes et au contrôle administratif, et où on voit bien à quel point ces normes-là ne sont pas du tout quelque chose qui accompagne et renforce nos pratiques elles-mêmes. En fait, elles sont plutôt des contraintes, des empêchements, en fait, clairs et nets. C'est-à-dire le puçage des brebis en est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que le puçage électronique, c'est des dispositifs qui n'ont rien à voir avec la manière dont on mène nos activités, et même ont tendance à nous déposséder d'un rapport sensible, direct à aux animaux ou aux végétaux pour les maraîchers. Et donc c'est à la fois ça, c'est à la fois donc les contrôles administratifs omniprésents qui fait qu'on a sans cesse des comptes à rendre sur nos activités, et que en plus, enfin l'histoire de cette prolifération des normes, si on prend un peu de recul, on voit bien qu'elles n'ont jamais rien empêché. En fait, encore une fois, par exemple récemment, l'histoire du fipronil, pesticide retrouvé dans les œufs. En fait, malgré le battage médiatique où l'État essaye de démontrer à quel point il est omniprésent et présent sur tous les fronts et ne laissera rien passer, la réalité de ça, c'est qu'il intervient sous un mode répressif que 2 mois après, même plus que ça, je crois que ça fait plus de 6 mois que l'affaire était déjà engagée, que les consommateurs en ont bouffé en veux-tu en voilà, mais on met en place un battage médiatique pour dire non, mais vous inquiétez pas, l'État contrôle. Il contrôle. En fait, ces systèmes de traçabilité, censés nous protéger, en fait, fabriquent surtout une mise en scène d'un État toujours déjà là, mais qui en fait n'est incapable de gérer réellement. Parce qu'au fond, la seule manière de gérer, il faudrait aller au bout d'une société totalement totalitaire, avec un flic ou des caméras ou des traceurs électroniques partout. Et on n'en est pas encore là. Donc aujourd'hui, on a besoin de fabriquer cette légitimité de l'État par des tapages médiatiques autour de ça. Et au fond, ce que ça cache tout ça, à quoi sert ces normes? Si on regarde précisément d'un point de vue macroéconomique depuis 20 ans, par exemple, les mises aux normes environnementales, par exemple, qui se sont imposées aux élevages hors sol en Bretagne, résultat de ça, il n'y a plus aucun petit élevage en Bretagne. Tous les élevages de centruies ont disparu parce qu'ils ont été incapables de suivre le surendettement imposé par la mise aux normes techniques, quoi. Et derrière, en fait, c'est la concentration des productions, et qui est d'autant plus scandaleuse que cette concentration se fait avec des subventions à la clé, puisque les mises aux normes sont certes des contraintes réglementaires, mais il y a un dispositif incitatif avec des subventions colossales. Aujourd'hui, on voit bien la manière dont Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture, il y a 2 ans, a annoncé la sortie de crise pour les cochonniers en Bretagne. C'est toujours légitimé par des pratiques écologiques. C'est la mise en place d'un plan de méthanisation, c'est-à-dire que l'ensemble de l'élevage hors sol breton est amené à être producteur d'électricité à base d'énergie renouvelable aujourd'hui, financé entièrement par l'État. C'est-à-dire qu'il y a 5 milliards d'euros là aujourd'hui débloqués pour que tous les élevages hors sol industriels fabriquent de l'électricité, et ça va être le nouveau marché de régulation de la production, puisqu'on sait très bien que dans ce marché agricole, les prix ne seront plus jamais rémunérateurs. Il faut trouver des rémunérations par ailleurs aux agriculteurs, et c'est encore une fois les industriels qui vont en bénéficier par ce marché de l'électricité dans lequel l'agriculture est amenée à rentrer de plein pied, quoi. Et du coup, voilà, pour nous, attaquer le rôle de l'administration dans nos fermes, c'est pas seulement remettre en cause les normes qui nous dépossèdent, c'est aussi comprendre qu'est-ce que c'est cette gestion par les normes. C'est comment l'État organise, régule le marché par ces normes, et comment cette régulation du marché continue à entretenir ces empires agroalimentaires, quoi. Du coup, c'est casser aussi l'image qu'on en a aujourd'hui, et pour nous, du coup, ce qui va se passer là, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est forcément s'affronter à la gauche paysanne. La gauche paysanne, Confédération paysanne en tête, est depuis 20 ans défenseur de ces normes. Donc c'est un gros problème, parce que aujourd'hui, ces normes fabriquent cette paix sociale dont j'ai parlé. Et nous, on vient attaquer ce truc-là au cœur, quoi. C'est quoi les rouages de la cogestion aujourd'hui. Donc autant dire qu'on part de pas grand-chose, enfin on va pas être nombreux au départ. Voilà, les bouquins sont là aussi pour prendre le temps d'expliciter tout ça, parce que c'est complexe à comprendre. Moi, tous les paysans autour de chez moi, à chaque fois que j'en parle, disent « Non, mais quand même, on peut pas être contre les normes, en fait. Sinon, c'est la liberté pour tous ces salopards qui veulent nous empoisonner. » Sauf que c'est par un autre biais qu'il faut le prendre, quoi. Les normes n'empêcheront jamais ces salopards de continuer à nous empoisonner, quoi. Et ben voilà, là dans cet extrait il développe sa première idée, c'est de comment du coup effectivement les normes éliminent les petites paysanneries, et il n'est pas le seul à le penser. On va passer un extrait d'une autre émission avec un autre paysan, c'est François du Puy-de-Dôme. On va écouter ça. C'est qu'il y a eu une mutation importante dans les années 90 où tout d'un coup on est passé à une gestion du monde agricole, plus par les crises de prix qui permettaient jusque-là d'écrémer ce que décrivait Nico tout à l'heure, c'est-à-dire la classification des paysans, ceux qui étaient arriérés, pas assez modernistes, ainsi de suite. Ça permettait d'écrémer, à chaque fois qu'il y avait des crises de prix, les petites exploitations, les petites fermes, et de maintenir les autres. Là, on est passé depuis les années 90 à une gestion par les normes. C'est-à-dire que pour légitimer une politique agricole qui se veut écologique, moderniste, mais au sens du bien-être, que ce soit animal ou humain, on va imposer des normes qui seront pour la plupart des petites fermes intenables. Et on va donner des aides pour mettre en place ces normes qui ne vont d'ailleurs servir qu'à ceux qui ont pu se maintenir, c'est-à-dire aux grosses fermes, qui vont pouvoir, en maintenant un niveau de production énorme, productiviste et industriel, pouvoir profiter des aides pour mettre en place ces normes. Donc, en fait, on gère par les risques. On laisse les problèmes sanitaires et environnementaux arriver et on les utilise, comme par exemple la question des nitrates en Bretagne, où tout d'un coup, il y avait une mobilisation citoyenne assez importante, anti-industrie, anti-système hors sol. Et le gouvernement de gauche en 97, Voynet le pain sec, face à cette mobilisation, sort une circulaire en 98 qui sera présentée comme une victoire de la gauche et de la mobilisation citoyenne face à l'industrie, alors qu'en fait, elle a réellement pour conséquence, surtout qu'il n'y a plus de mobilisation massive depuis les années 90-97, il n'y a plus aucune grosse manif, aucune mobilisation sur ces questions d'industrialisation. Et par contre, ça a fait disparaître ces mises aux normes qui ont donc été imposées la plupart des petits éleveurs porcins. Et il ne reste plus que les gros qui ont pu bénéficier des subventions pour la mise aux normes. Donc tout ça présenté comme une victoire citoyenne et de gauche. Donc c'est assez important de voir entre les annonces médiatiques et la réalité de ce que ça construit sur le terrain, en gros une concentration du capital de plus en plus importante grâce au discours de mise aux normes et au discours environnemental pour faire disparaître toutes les petites fermes qui portaient une autonomie et n'avoir plus que des exploitations qui sont dans les filières de développement économique, dans les filières agro-industrielles. Voilà. Quand on dit élevage industriel, les gens pensent non. Quand on dit industrie agroalimentaire, les gens pensent les gens pensent élevage industriel. Et c'est pas très intéressant. Alors maintenant, si vous avez non. Et voilà, donc François du coup, qui raconte un peu l'écrémage actuel des petits paysans. Bon, il faut dire que du coup, en fait, ce pan de l'économie est tenu par notamment les aides de l'État, de la PAC, de l'Europe. Aides qui sont en fait, par exemple, 80% des aides vont à seulement 20% des agriculteurs. Donc en fait, ces aides, elles permettent de juste engraisser toujours les mêmes et aussi maintenir la pseudo-paysannerie, mais en fait, sont surtout dirigées à quelques gros producteurs. notamment ben, on pense aux céréaliers et on pense du coup à effectivement, par exemple, l'exemple de l'industrie de la viande et du porc, par exemple en Bretagne, a été largement médiatisé. Voilà. Le son après qu'on a extrait, là, qu'on a entendu, c'est un espèce de making of d'une pub de Fleury Michon. En fait, Fleury Michon qui en fait est fait partie comme tant d'autres, de plein d'autres, quelques gros industriels qui en fait contrôlent et essayent de s'acheter une image d'agriculture ben, raisonnée et aussi proche du coup de, des agriculteurs de leurs terres, de leurs bestiaux, etc. Mais en fait qui est en fait un outil d'aliénation et de contrôle d'une filière vraiment super importante, mais avec l'image, une nouvelle image de, eh ben de production de choses écologiques, bio, raisonnées, etc. Même sans gluten, ça c'est un nouveau, nouveau créneau, hein, la question du sans gluten, un nouveau label qu'on voit fleurir sur les produits, sur les étiquettes dans les supermarchés. Et donc dans les interventions précédentes on a entendu parler aussi de la question de la méthanisation, de comment en fait l'agriculture en fait pour s'en sortir, et en fait un des arguments de l'État pour mettre la main dessus, c'est aussi soutenir en, avec des subventions déguisées sur d'autres pans de la production. C'est-à-dire qu'en en fait, en la faisant vivre certains paysans et par certaines autres activités, eh ben, on permet à certains paysans, donc les plus gros, ceux qui peuvent investir, etc., de survivre, et notamment la question de la méthanisation. Alors la méthanisation, on en a beaucoup entendu parler, notamment avec un peu les critiques de la Confédération paysanne faites sur eh ben, les grosses fermes, genre type ferme des 1000 vaches, qui en fait est une excuse, enfin la question des 1000 vaches, en fait, bon, ça c'est pour produire du lait, mais surtout l'objectif des et la rentabilité attendue par ces investisseurs, c'est la production du méthane par les vaches, qui en fait sont après transformées en électricité, en énergie, et pour après être revendues, et du coup avec un pseudo versant écolo. Voilà, et du coup ben, je me suis un peu penché sur la question de cette méthanisation, et je suis tombé sur des vidéos destinées aux agriculteurs pour qu'ils transforment leurs fermes, et voici un extrait assez marquant sur ben, c'est quoi la méthanisation. Nous sommes à Gruffy, donc un petit village de Haute-Savoie. On produit du lait au Cetum des Bauges avec 85 laitières et autant de génisses. Et depuis l'année dernière, on produit de l'électricité et de la chaleur, donc avec notre installation de méthanisation. La grosse cuve qu'on voit, là, le digesteur, ça ressemble à une panse de vache, un rumen de vache. Donc à l'intérieur, il lui faut des bactéries. J'ai envie de dire que le lisier et le fumier, c'est le fond de commerce. Hein. Donc ça permet de démarrer l'installation. D'ailleurs, au début, on l'a rempli uniquement avec du lisier pour que les bactéries donc, commencent tout doucement à dégrader la matière organique et s'habituent à manger ce qu'on leur apporte, c'est-à-dire les déchets de pâtes, on y apporte des drèches de pommes, des déchets de céréales, des graisses de restauration et prochainement des déchets de table. Le premier revenu le plus important, c'est la vente d'électricité. On a signé un contrat avec EDF de 15 ans qui nous oblige donc à livrer la totalité de la production sur le réseau EDF. Le deuxième, c'est les redevances déchets. Toutes les fois qu'une entreprise vient livrer des déchets sur notre exploitation pour faire tourner le digesteur, cette entreprise nous paye une redevance. Et le troisième, c'est la vente de chaleur du réseau. Dans un deuxième temps, ce qu'on voulait, c'était installer un jeune sur notre exploitation pour avoir une charge de travail moins élevée. Concrètement, maintenant qu'on a des opérations exemplaires, on a des points de repère pour pouvoir développer d'autres projets de cette taille ou de projets de taille supérieure qui permettront de mutualiser l'emploi de matières organiques locales avec des circuits courts dans l'esprit de produire de l'énergie renouvelable. Et Et voilà, l'agriculture, en fait, qui ne produit de moins en moins de produits de lait ou de fromage ou de choses comme ça, l'objectif devient en fait, et la source de rentabilité devient en fait la production d'énergie, le recyclage d'ordures ménagères et des villes, bref en fait une usine à gaz. Et en fait là on arrive à un deuxième versant, parce que c'est un extrait, hein, donc il y a plein d'autres témoignages dans cette petite vidéo destinée aux agriculteurs, qui sont en fait aberrants sur en fait comment oui il faut investir, c'est le moment, et comment en fait les agriculteurs arrivent à sauver leur emploi, à permettre de sauver leur exploitation en fait en se dédiant même une grande part de leur travail au fonctionnement du méthaniseur. Du coup, leur travail n'est plus la production, le rapport avec l'animal, le rapport avec la nourriture, etc. Leur travail, c'est produire de l'électricité avec les déchets de leur animal, mais aussi les déchets venus de l'extérieur. Bref, du coup, en fait, ça rejoint en fait le discours de Yannick Ogor sur le paysan impossible, c'est-à-dire que du coup le paysan ne devient plus un paysan et est complètement dépossédé de son travail, de son activité, pour en fait devenir juste un petit rouage de l'industrie et d'une société de merde, quoi. On va passer un petit morceau et après on enchaînera sur un autre thème, sur la question de l'écologie, du versant pseudo-écologique de cette agro-industrie. Un morceau, ce sera Amanda Woodward, L'ère du temps. It's a lie, not a single time, never. These allegations are false. And I need to go back to work for the American people. l'air du temps, donc de Amanda Woodward. Du coup, bah voilà, juste avant ce morceau, on a parlé de la méthanisation et du coup du volet et du côté prétendument écologique et de comment en fait les normes s'appuient sur ce discours et c'est du coup une espèce de greenwashing pour en fait asseoir leur volonté d'emprise sur les filières et le monde agricole et paysan. On va écouter du coup un autre extrait de l'interview de Yannick Ogor à ce propos. Voilà, allez, c'est parti. Parce que du coup, moi, ce que je comprends, c'est qu'au final, les normes, loin de nous protéger, maintiennent les conditions de possibilité de l'empoisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, elles augmentent l'industrialisation de l'agriculture et donc elles augmentent les risques possibles d'une nouvelle crise, etc., qui sera gérée par des normes, qui fera des choses de plus en plus grosses, de plus en plus capitalistes, qui de plus en plus transforme en marchandises les produits de la terre et donc, en fait, nous mettent dans des conditions d'un nouvel empoisonnement, d'un nouveau scandale, etc. Ça, c'est en aval de l'agriculture et il y a aussi en amont le fait que ça dépossède l'agriculteur de son travail et de son rapport à la terre, en fait. C'est ça. Oui, complètement. Bah, pour moi, le plus caricatural dans ces histoires de normes, c'est les normes de bien-être animal qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, portées notamment par tous ces mouvements véganes et antispécistes type L214 où à la fois on est bien obligé de reconnaître des intentions louables de venir dénoncer les pratiques industrielles, que ce soit dans l'abattoir, dans les abattoirs, dans les élevages. Mais le problème, c'est que le résultat de ce lobbying, de ce travail de sensibilisation à l'horreur industrielle, c'est récupéré par l'État ou par les grands groupes de grande distribution. C'est l'obligation qui va être faite, notamment en volaille, hein, pour tous les élevages, de se mettre aux normes, à des nouvelles normes, de se mettre aux normes bien-être animal où les poules d'ici 4 ans n'auront plus le droit d'être enfermées dans des cages, certes intention louable, sauf que derrière on va fabriquer des espaces concentrationnaires où les poules seront un peu plus libres mais seront pas plus déconcentrées qu'ils ne sont aujourd'hui avec les mêmes problèmes sanitaires qui se poseront. On fabrique juste une image. Et le prix de cette image, c'est que tous les petits, en fait, n'auront pas les plus petits élevages, certes industriels, mais quand même petits, ces gens-là n'auront pas les moyens de se mettre aux normes. Donc on éradique, c'est même le groupe Avril, qui est donc le groupe Xavier Belin était à la tête avant sa mort, donc la plus grosse multinationale française de l'agroalimentaire, c'est même son directeur récemment qui se félicitait du travail de L214 auprès de la Commission européenne et auprès de la grande distribution, puisque cette imposition de nouvelles normes bien-être animal allait éliminer 25% des élevages et que les 75% restants seraient forcément les plus gros, c'est entendu dans son discours, et donc des marges de productivité encore plus grandes pour ces grands groupes industriels. Donc enfin, c'est un comble aujourd'hui, il y a encore 20 ans, je pense que ces grands groupes industriels n'auraient pas osé dire que les groupes de pression écolo étaient leurs alliés. Aujourd'hui, ils peuvent le dire clairement. Et il n'y a que les écolos pour faire semblant de pas le regarder, quoi, en fait. J'aurais rajouté une chose à ce que tu dis, parce que dans ton bouquin, enfin vraiment, ça c'est un truc super important du bouquin, qui est franchement, je ne l'ai pas tellement lu ailleurs, c'est que en fait, tout ce que tu dis là, c'est aussi pensé au moment de la refonte de la PAC en 92. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le mode de gestion, qui était un mode de gestion par la surproduction, par la crise de surproduction en permanence des années 60 jusqu'aux années 90, où chaque fois qu'on surproduisait, ça activait toutes les subventions qui tombaient toujours dans les poches des gros industriels, ça tu le décris très bien. Et à partir de 92, bing, ce système est abandonné en apparence, et les normes arrivent, et donc on passe d'une crise de la surproduction à une crise par les normes, et l'argent recircule par ces biais-là. Donc ce que tu dis, c'est pas... Enfin, je pense que c'est important de dire que c'est pas simplement... c'est vraiment pensé aussi à ce moment-là, ce basculement. C'est pas juste l'État qui réagirait à une espèce de marché comme ça, qui accompagnerait. Non, c'est vraiment pensé, en fait. Enfin, c'est... Oui, c'est, et du coup, c'est inscrit dans les textes de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est pour ça que j'avais besoin, moi, de redécortiquer et démonter le discours à gauche aujourd'hui, qui parle sans cesse d'un libéralisme sauvage et que notamment prend comme exemple l'Organisation mondiale du commerce, qui partout dérégulerait les marchés mondiaux, en fait, et notamment en agriculture. Or, quand on regarde de près ce que sont les accords de l'OMC de 1994, en fait, qui structurent encore aujourd'hui l'économie agricole, c'est pas du tout la dérégulation, en fait. C'est certes l'abandon de certains mécanismes dont a parlé Florian, mais c'est la mise en place de nouveaux mécanismes, ces nouveaux leviers là, que j'appelle la gestion par les normes. Donc, qui se, dans le langage de l'OMC, c'est la boîte verte, quoi. C'est, on a abandonné, tous les autres étaient dans une boîte rouge, orange, bleue, tous les autres mécanismes de soutien au marché. Ceux-là ont été abandonnés ou sont en train de l'être définitivement. Mais depuis 20 ans, cette boîte verte, c'est elle qui structure le marché et c'est pas du tout de la dérégulation, quoi. Et c'est pour ça que je pense que à l'OMC, enfin, les industriels qui portent l'OMC à bout de bras, ont très bien compris pourquoi appeler cette boîte la boîte verte, pourquoi mettre en avant comme outil de régulation du marché l'écologie, enfin les normes environnementales et sanitaires, c'est que ça allait fabriquer de la légitimité sociale. Et de fait, ça marche magistralement, quoi, en fait. C'est qu'en même temps que ça continue à fabriquer de la régulation du capitalisme et de la construction de rentes de situation auprès des entreprises agroalimentaires, en même temps, on pacifie la contestation qui fait que depuis 20 ans, alors que les années 90 ont été marquées en Bretagne par une contestation très forte dans la rue du modèle productiviste, depuis 20 ans, il n'y a rien. Il n'y a plus rien du tout, quoi, en fait. Le bio est devenu un business mondial. Nuremberg, en Allemagne. C'est ici qu'a lieu chaque année le plus grand salon professionnel du bio, le BioPhar. Né en 1990, cet événement autrefois confidentiel attire aujourd'hui 50 000 visiteurs et des professionnels du monde entier. Notre société est basée en Suisse. Nous venons de Chine. Nous vendons partout dans le monde, surtout en Europe et aux USA. Producteurs, distributeurs, grossistes bio sont tous venus parler business. On cultive du maïs et du blé sur 75 000 hectares dans plusieurs pays. La Roumanie, Turquie, Ukraine, Kazakhstan, Russie. Nous fournissons du blé bio pour la France. Des céréales, des graines, des légumes bio, aujourd'hui produits en masse et cotés en bourse. Dans les allées du salon, on trouve autant de spéculateurs que de petits agriculteurs passionnés. Un volume de production inattendu pour l'agriculture biologique, qui prône de produire peu, mais différentes variétés de légumes pour ne pas épuiser la terre. Mais pour ce patron d'entreprise, c'est le prix à payer pour rendre le bio accessible à tous. Il faut oublier cette idée selon laquelle le bio, c'est un agriculteur avec un sombrero, un petit producteur qui travaille la terre. Ça, c'était avant. Si le consommateur européen veut faire attention à sa santé, il doit consommer bio. Il y a 300 millions de personnes en Europe. Même si tous n'ont pas les moyens d'acheter bio, il y a au moins 40 millions de personnes qui le peuvent. On doit leur fournir des produits bio de la façon la plus professionnelle et la plus industrielle possible, mais en respectant ce que nous dicte le règlement européen strictement. Pourquoi ce ne serait pas écologique de faire de la culture toute l'année? Ce qui est important, c'est de respecter la norme de production, que ça ait du goût, et qu'en France, vous puissiez les acheter à un bon prix. Ça, c'est important. Pour lui, le bio, c'est surtout l'absence de pesticides. Je vous assure que cette plante n'a pas de traces chimiques. 0-0. Rien. Donc je vais faire analyser ces produits pour savoir si c'est 0-0. Que va faire analyser vos produits. Por favor, analyse. Oui, bien sûr. C'est la meilleure preuve. Et il n'y aura pas de pesticides dans cette plante, on est donc sauvé. Et oui, donc cet extrait qui suit l'intervention de la discussion de Nico Gore avec l'éditeur et les animateurs de l'émission sur Canal Sud, l'extrait son, c'est un documentaire sur, le bio, l'industrie du bio. Le producteur de tomates qu'on a entendu, en fait, si l'image qui accompagnait ce son, en fait, c'était une personne qui était dans une usine avec derrière lui en fait une chaîne qui ressemble à une chaîne de n'importe quel constructeur d'automobile ou d'autres produits manufacturés quoi. C'était derrière en fait des personnes qui à la chaîne arrachaient des tomates et les mettaient dans des cartons qui étaient après transbahutés dans les rayons des supermarchés un peu partout en Europe et dans le monde. Voilà, et en fait du coup on voit très bien dans eux, dans leur discours, eh ben, l'argument pseudo-écolo qu'il ne faut pas utiliser de pesticides et que en fait c'est pour sauver la planète et les gens, de pas l'important de manger sainement. Après toutes les merdes qui nous font subir à côté, et du coup d'accepter bouche ouverte et yeux fermés la merde en fait qu'ils continuent à nous vendre, mais effectivement avec une étiquette verte qui fera plaisir à l'OMC. Du coup en fait là en fait on est dans ce qu'il dit lui, c'est ce qui est important, c'est la question là de la norme, l'acceptation de la norme, les contrôles, pas de problème, ça passe au vert. Alors les contrôles, justement, on va en parler, car c'est un sujet qui a été peu médiatisé, mais tout de même qui commence à faire un peu parler. C'est en fait, nous, urbains, on a très peu de conscience de ce que c'est qu'un contrôle, le contrôle sur le monde agricole et l'activité des paysans. Et en fait, il y a plusieurs voix hein, qui s'élèvent pour protester contre ces contrôles, contre comment ils sont menés et ce qui est contrôlé. Et récemment, ça, on en a entendu un peu plus lors de l'assassinat d'un paysan en Saône-et-Loire, assassinat par les gendarmes d'un paysan qui aurait notamment refusé les contrôles incessants de la ferme. Et on va écouter là un interview d'un autre paysan de la Saône-et-Loire qui explique un peu ce que c'est que ces contrôles. Voilà, pour qu'on ait un peu plus conscience de ce que c'est. Pour revenir au contrôle, effectivement, bon, Jérôme est un cas parmi d'autres. Alors, c'est un cas qui est effectivement tragique. Tu viens de le dire, il y a de nombreux cas qui se terminent par des suicides dont on parle moins. Aussi parce que c'est un peu une honte du milieu agricole. Donc, on en parle très, très peu. Ils sont même rarement reconnus comme liés au travail. On va souvent chercher des causes extérieures, des relations de couple, de famille, des situations financières, mais qui on fait jamais, enfin on fait rarement le lien avec l'activité agricole, qui est quand même centrale, qui occupe plus de la moitié du temps de la vie d'un agriculteur et qui nécessairement a des conséquences aussi sur sa vie de famille, sur sa situation financière, sur son isolement, sur tout un tas de choses. Le suicide des agriculteurs, qui est nettement supérieur à celui du reste de la population française, est lié aussi aux conditions de travail, et ça, on peut difficilement l'exclure. Et puis, il y a tous les cas qui se terminent soit par une cessation d'activité, soit par une forme de consentement et de résignation, ou une attente qui parfois aboutit à un gain de cause assez rare. En Saône-et-Loire, on a le cas de maraîchers qui, dans les années 2013, spécifiquement d'ailleurs les maraîchers bio en vente directe, qui était assez étonnant, subissaient les contrôles de la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, qui est l'organe régional du ministère du même nom, pour quelque chose qui s'appelait le paquet hygiène, qui était un règlement européen qui imposait certaines conditions d'hygiène dans tout type de production agricole. Pour ce qui est du maraîchage, ça touchait essentiellement à la qualité de l'eau d'arrosage, la qualité de lavage, de l'eau de lavage des légumes, mais aussi la propreté du conditionnement, et tout un tas de bonnes pratiques qui parfois n'ont pas forcément de sens sur les petites fermes, mais qui dans un processus industriel visent à limiter certains risques. Il se trouve que dans ce texte européen, en préambule du texte et dans les articles du texte, il était mentionné explicitement que le règlement ne s'appliquait pas aux petites fermes en vente directe, et il précisait même la raison de cette exception, du fait de leur relation de confiance avec leur clientèle. Tous les contrôles en Saône-et-Loire ont porté sur des petites fermes en vente directe. Donc évidemment, la contestation s'est organisée pour signifier avec l'administration qu'elle était hors des clous et que leur mise en demeure et leur menace d'amende n'avaient pas de sens, et que du coup, on n'y apporterait pas de réponse ni de changement dans les pratiques de ces agriculteurs. Malheureusement, la Confédération paysanne, en tout cas les porte-paroles, qui ont d'abord hébergé cette discussion entre producteurs, se sont rétractés et ont plutôt souhaité aller dans un débat avec cette administration répressive, qui est toujours ouvert à ma connaissance. Pour ma part, j'ai quitté cette organisation, mais pour les échos que j'en ai par les collègues agriculteurs, c'est que l'administration les mène par le bout du nez. Elle a même prétendu qu'en l'absence de traduction dans le droit français de ce règlement européen, elle avait pris la liberté de contrôler tout le monde. Donc on voit très bien que l'administration procède de manière complètement arbitraire, puisque ça ne repose sur aucun texte de loi, c'est sa propre interprétation qui fait foi. Et aujourd'hui, on n'a pas de force politique pour s'opposer à cet arbitraire. Donc c'est extrêmement problématique. Et oui, c'est extrêmement problématique. Et en fait, du coup, c'est marrant parce que ce contrôle et ce suivi, en fait, ils sont tellement forts dans l'agro-industrie qu'ils arrivent à nous le vendre comme étant un progrès et un outil même ludique. On va écouter un extrait d'une publicité. Avec Volaille Fermière d'Auvergne, flashez les poulets et découvrez les portraits vidéo de vos éleveurs de volailles. Ça, c'est celui de Françoise. Françoise. Ah, Françoise et l'agro-industrie, ils sont merveilleux. Le flashage, etc., c'est aussi c'est pas seulement pour savoir d'où ça vient, c'est aussi pour savoir aussi effectivement le contrôle et... d'où vient le problème, car le problème c'est forcément le producteur qui doit faire face à tout ça, mais pas le semencier, le chimiste qui produit les intrants, les personnes qui organisent le suivi des machines, ceux qui vendent à crédit l'outillage que demande l'industrie, l'industrialisation de l'agriculture, etc. Bref, tout ça, c'est bien triste, mais cependant, il existe des pistes de réflexion et de lutte, notamment, comme Nico Gore le développe dans son livre, et dans des discussions avec d'autres paysans, et notamment un exemple italien, des mouvements hors normes qui refusent les normes et d'autres organisations, d'autres formes de lutte pour maintenir en fait une agriculture paysanne et une alimentation de tout le monde de manière saine et non saine, on va dire. Après, tout ça, on le développera lors de la prochaine émission, qui sera donc le dernier lundi du mois de novembre, ce qui sera donc le 27. En attendant, dans les jours qui viennent, on va mettre en ligne cette émission ainsi que celle du mois dernier. Voilà quoi. Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'autre. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Ouais, joueur, rage et courage. Joueur, rage et courage. Retour le 27 novembre avec plein de perspectives de lutte et des envies pour faire autrement et botter le cul à cette industrialisation, ce monde capitaliste et l'État qui nous contrôle. Bref, plein de joueurs, rage et courage à tous et toutes. Et puis. N'hésitez pas à aller sur le site joueurragecourage.noblogs.org où on va mettre en lien donc cette émission et la dernière, celle de septembre, ainsi que plein de liens qui vont avec vers d'autres interviews, d'autres sons de discussion et bref du grain à moudre. Joueur, rage et courage donc vous invite à aller voir tout ça, aller descendre dans la rue ou dans votre hameau et surtout à ne pas être trop sage. Ne soyez pas non plus trop sage et vous pouvez également sortir lors de la prochaine soirée Diophonie, c'est Ursa Minor le 19 novembre. Voilà, un petit conseil de soutien à Radio Dio, votre radio locale sur le 89.5. En tout cas, gardez la pêche. Une grosse pensée aux mutins de Bourg-en-Bresse qui ont cassé des caméras et incendié une partie des cellules et du matériel, notamment pour protester contre les décisions des juges d'application des peines locaux. Bref, un soutien à tous les prisonniers, à tous ceux qui se laissent pas faire. Et puis ben voilà, si vous voulez nous envoyer des messages d'encouragement, d'insultes ou qui n'ont rien à voir ou des réactions à notre émission, n'hésitez pas à envoyer un mail sur clapclap@riseup.net. clapclap, clapclap@riseup.net. Allez, ciao, au mois prochain et foutez les bulles.